بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. On a pris quoi dans le dernier ders? Babayn ou Salaf? On a fait cette abouane. Aïe, ouais. L'awel. Comme tu as dit. Non. Maja fi zimatillah wa zimat nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Non, un engagement en leur nom. Wa ma hukm zalika. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre soi-même. Je vais parler. Soi-même ou partir à Ashab. C'est pas juré, hein. Prends engagement. C'est l'engagement que je prends en ton nom à toi. Au nom de tes Ashab. Taïeb. Allah dit Barada. Et que j'irai par Allah, car Allah va faire telle chose. Naam. Il s'agit d'être allié à Allah. C'est comme si tu imposais à Allah de faire telle chose. C'est ce que Allah doit faire. والثالث troisième bœuf qu'on a pris là là t'as cité le bon ordre, il reste un bœuf, on avait pris trois la dernière fois. Ma huwa al-thalith walladhi kana yushkil 'alayka fi bidaya, c'est un bœuf qui t'avait posé problème au début. C'est-à-dire que quelqu'un il met Allah Shafia en obsession. Qui souhaite que Allah intercède pour lui auprès de la création. Babu la yustashfa billahi ala khalqihi. Une bab al-faïda, quand tu rentres dans un ders, quand tu es au début d'un ders, et que le ders débute, le titre est donné ou Rezalika avec un taoudih rapide. Au début, Yushkil Alek, Mumkin, Yarsul Hada, Ala Talib. Au début, tu ne comprends pas. Toi, à ce moment-là, le Talib, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Avant de demander tout de suite, j'ai pas compris. Ça se trouve, quand l'exemple va arriver, ou le hadith, ou le hukm, à la fin, il dit, ah, j'ai compris. Car s'il demande avant, ça va faire, Mesalène, que tu vas expliquer une chose qui va arriver par la suite. Ça arrive souvent, ça. Au début, l'enseignant, il donne un beb, il donne l'énoncé du beb, le début. Au début, tu n'as pas senti où est-ce qu'ils vont en venir. Et après, au fur et à mesure du ders, avec les hadiths et l'explication, le bébé, il est assimilé. Par contre, si vraiment le tabi il n'a pas compris, à la fin, il demande. Vraiment, je n'ai pas compris. Hein? Mais s'il demande avant, il se peut que ça rallonge, ou on va dire, ce que tu n'as pas compris là, ça va arriver par la suite, et tu vas voir, tu vas comprendre bismillah à la fin, après ça. Taïeb. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وصده طرق الشرك ce qui a été cité à propos de la protection du prophète صلى الله عليه وسلم qui les protège le tawhid et qui les ferme les portes menant au shirk. Ce bab là ressemble à deux autres bêbes qu'on a pris auparavant. La différence qui est avec celui-ci, c'est que celui-ci t'indique en plus, ce n'est pas seulement yani yahmi at-tawhid faqat fahasb, bel yadulluka yarshiduka ila ma huwa ahsan. C'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te montre quoi ne pas faire. Et il te montre quoi faire. Ou plutôt, dans ce bêbe, quoi ne pas dire, mais quoi dire à la place. Ce qu'il faut dire à la place. En fait. Dans les autres abouab, c'était juste qu'il a fait des causes pour empêcher que les gens parviennent au shirk. Dans certains actes. Là, dans ce bêbe-là, c'est surtout par rapport au call, comme tu vas le voir, par rapport aux paroles. C'est des paroles à éviter de dire, mais quelles sont les bonnes paroles à dire à la place. en fait. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هنا تكلم على حماية التوحيد من جهة الأقوال قد تقدم طرق وباب حماية التوحيد من جهة الأفعال وحماية جانب التوحيد وجانب ما هو جزء هو الجزء منه. Donc justement comme on vient de le dire que l'auteur là va parler de la protection du tawhid en ce qui concerne les paroles. Dans les autres abwab qui ressemblent à celle-ci, il a parlé des actes, mais des paroles aussi. Des paroles aussi. Et là, il te dit la différence qu'il veut te dire, quoi ne pas dire, mais quoi dire à la place. Mais c'est des bebs mutaradif, un sens mutakarib. Qal, عن عبد الله بن شخير قال انطلقت في وفد النبي صلى الله عليه وسلم عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجلينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد وهذا هذا صححه الألباني رحمة الله عليه. Donc ce sahabi qui l'a dit, je me suis déplacé dans une délégation. Aïe, tu avais ta main? Pour nous rendre auprès du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous lui avons dit, tu es notre maître. Il a dit, le maître c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Nous lui avons dit, tu es le meilleur d'entre nous, celui qui a le plus de mérite. Et le plus haut rang. Il dit, dites vos paroles, ou certaines de vos paroles, mais que le shaitan ne vous pousse pas à dire de mauvaises paroles. Rapporté par Abu Daoud. Donc là, dans ce hadith, ce que les sahaba ont dit à ce moment-là est une parole vraie. Il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sayyid Bani Adam, wa la fakhr, comme a dit Nafsi. Il est le maître des fils d'Adam, l'homme de la Qiyama. Il est le meilleur, la meilleure des créations. Mais lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a voulu par là? Fermer les portes pour ne pas que les gens se mettre à faire du rouleau par la suite. Et il a dit ça également tawadduan, par modestie. Li shakhsiyatihi. Ma'ana kalamahum kana sawaban. Qala qulu bi qawlikum aw ba'd qawlikum. Dites vos paroles ou certaines de vos paroles, mais faites attention. Dans le sens que shaitan, tu commences par un éloge, deux éloges, après un qui est démesuré, troisième, jusqu'à finir par quoi? Le shirk. Donc là, c'est par peur du rouleau en sa personne qu'il les a corrigés sur cela et leur a mis. Il leur a fait un tambih. Donc lui, il appelait les gens à l'appeler par sa kunya. Ya Abul Qasim, ou Ya Rasulallah, ou Ya Nabi Allah. Et les Sahaba n'appelaient, hormis peut-être les Arabes, les Bédouins, ils n'appelaient jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. À part certains qui venaient, qui ne connaissaient pas encore bien, nouveau, comme je le dis, des certains bédouins, ils venaient, ils disaient Ya Mohammed. Mais sinon, les Sahaba qui étaient des gens des Moudoun, car les bédouins avaient un petit peu moins d'éducation. C'était un peu plus rustre dans leur comportement. Sinon, ils n'appelaient jamais Ya Mohammed. Ils disaient Ya Rasulallah. Même ses femmes, elles disaient Ya Rasulallah. ثم قال المؤلف عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا فقال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي كذلك قال الألباني أنه صحيح وصل الحديث dans le même sens que l'autre il dit oh que des gens ont dit oh messager d'Allah oh toi le meilleur entre nous oh toi le fils du meilleur entre nous oh notre maître ou le fils de notre maître il a dit oh vous les gens dites vos paroles ou certaines de vos paroles et que Shaitan ne vous pousse pas à dire de mauvaises paroles c'est le même mana que l'autre hadith il a dit je suis Mohammed le serviteur d'Allah et son messager et je n'aime pas que vous m'éleviez au-dessus de du rang que Allah m'a accordé donc là elle a voulu faire fermer les portes au rouleau dans sa personne car le rouleau on a dit quoi ça amène à au shirk par la suite donc que Shaitan ne vous fasse pas tomber dans l'égarement par de mauvaises paroles Allah Azza wa Jal yakoul ya ayyuha ar-rasul ô toi le messager ya ayyuha an-nabi ô toi le prophète subhanallazi asra bi 'abdihi alhamdulillahi allazi anzala 'ala 'abdihi al-kitab louange à Allah celui qui a fait descendre sur son serviteur le kitab donc regarde bien les termes que Allah dans le Coran a employé rasoul nabi 'abd akada car des gens sont tombés dans l'exagération du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ce fut le cas de celui qui écrit la qasida al-burda dans lequel il y a du shirk et du rouleau dans la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui connaît l'invisible qu'il n'y a pas de secours à part le Seigneur yawm al-qiyama ghayr dhalika shirk il en a parlé il n'y a pas longtemps poésie qui s'appelle la burda qui sait ce qui est écrit dans les arwah al-luh al-mahfouz connaît le futur, connaît le ghaib, l'invisible. Ouais, les alika. Cette poésie est pleine de shirk. Et elle est apprise par cœur par beaucoup de gens. Et récitée en beaucoup d'occasions, surtout le jour du Maulid. Le Maulid et le Nabawi. Fahouna yanbari al-adab al-shari'i fil-alfaz. La siyama ma'a nabiyina sallallahu alayhi wa sallam. On doit parler correctement et adopter une bonne attitude. Et ne pas en faire plus que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré. On aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un amour légiféré. Donc là, il a voulu faire quoi par là ? Dire attention à ce que vous dites, le meilleur est de dire telle chose. Pourquoi ? Fermez les portes. Amen ? Taïm. Akhouz al-masa'il. Qala. الاولى تحذير الناس من الغلو la mise en garde des gens contre l'exagération الثانيه ما ينبغي ان يقول من قيل له انت سيدنا ce qui revient de dire à quelqu'un qui on dirait tu es notre maître الثالثه قوله لا يستجلينكم الشيطان مع انهم لم يقولوا الى الحق sa parole lui a dit que Shaitan ne vous pousse pas à dire de mauvaises paroles alors qu'à la base il nous dit que des paroles véridiques. Arabiya qawluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawq manzilati. Je n'aime pas que vous m'éleviez au-dessus de mon statut. Donc là fermez le bab au rouleau comme on l'a expliqué. Et ce rouleau n'est pas propre que à lui. Même à notre époque des gens exagèrent dans des personnes au-dessus de ce qu'ils méritent. Alal asaf. طيب نخوض الباب الذي بعده هو الاخر c'est le dernier bab du livre et ce bab là en lui-même va apparaître par les adillah qui sont exposés et les wadih lui-même il n'y a pas besoin de faire beaucoup de charh hormis lorsqu'on prendra inchallah un kitab dans ma yata'alluq bil asma wa sifat et ce bab là pour finir le livre ومناسب جدا يفني الليف بار ان باب كي ريفيل ليز اسبري et tente de nous faire réaliser la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien que pour nous, c'est inconcevable. Nous, on a un taqrib, une approche. Mais la réalité de la chose, à notre échelle, c'est inconcevable. Par le bab, ma jia fi kulillahi ta'ala. Wa ma qadarullah haqqa qadarih. Wal ard jami'a qabbattuhu yawm al qiyamah. Donc c'est le chapitre qui est venu à propos de la parole d'Allah dans le sens où il dit qu'ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et toute la terre, il la saisira le jour du jugement. Donc là, ce bab qu'on va prendre maintenant, il englobe les trois formes de tawhid comme le déchire Ibn Baz. Jama'a anwa tawhid thalatha. Dans al-rububiyya, dans al-ubudiyya et dans l'asma wa sifat. قال هذه الايه تبين عظمه قدرته سبحانه وتعالى وانه يطوي السماوات والارض ومن كان بهذه المتانه فهو احق ان يعبد ويطاع. Que par ce verset immense, ou plutôt que par ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous démontre l'immensité de son omnipotence, l'immensité de son omnipotence subhanahu wa ta'ala, qui va plier les cieux et la terre. Et que celui qui a cette force de faire cela, c'est lui qui est plus en droit d'être adoré et d'être obéi. والذي له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بخلقه فهو القادر على كل شيء سبحانه. Et celui qui a la perfection dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actes, il n'y a rien qui lui ressemble, il n'a pas d'égal et on ne compare pas. Ne le compare pas à sa créature. On ne fait pas de qiyas entre Allah et sa création. Et c'est lui l'omnipotent. Subhana. Qala al-mu'allif. An ibn Mas'ud. Qala ja' hibr. Ou habr, on peut dire les deux. Min al-akhbar ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Fa qala ya Muhammad. Inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba'. والأراضين على إصبع وشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسير الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر أو الحبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. Le hadith muttafaqun alayhi. Sur l'Ibn Mas'ud, il a dit qu'un rabbin s'est rendu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ô Muhammad, nous avons trouvé que Allah mettra les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les arbres sur un doigt, et l'eau sur un doigt, et les planètes sur un doigt, et tout le reste de la création sur un doigt. Et il dit, je suis le roi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est moi le roi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rigolé à tel point que ses molaires sont apparus par affirmation pour affirmer ce qu'a dit ce Yahoud. Ensuite, il a resté la parole d'Allah dans le sens où il dit, et qu'ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et que la terre entièrement, il la saisira. Yom al-Qiyama. Qal, wa fi riwaya li muslim. والجبال وشجر على إصبع ثم يحزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجه. Dans une version selon Muslim qui l'a dit, c'est-à-dire ce juif qui l'a dit, les montagnes et les arbres sur un doigt. Ensuite, il va les ébranler, les secouer. Il dira, c'est moi le roi. Je suis Allah. Dans une version de Al-Bukhari, qu'il dit qu'il mettra les cieux sur un doigt, l'eau et les planètes sur un doigt, et tout le reste de la création sur un doigt. قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يقول يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع نص ساعة après. Donc rapporté par Muslim sur l'Ibn Omar radiallahu anhu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit que Allah va plier les cieux le jour du jugement. Ensuite, il les prendra dans sa main droite et il dira: je suis le roi. Où sont les tyrans, les oppresseurs? Où sont les orgueilleux? Ensuite, il va plier les sept terres et les prendra par sa main gauche. Et il dira: je suis le roi. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Donc là, c'est hadith qu'on vient de citer, tente de t'amener à essayer de concevoir, bien que tu ne le peux, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car humainement parlant, on ne peut pas s'imaginer cela. On comprend ce qui est dit, on comprend l'essence, amal tasawwur wa nastati'. C'est trop immense pour nous, des choses qu'on n'a jamais vues. Tamam. Les sept cieux, on ne les connaît pas tous. Même le ciel de la dunya, on ne le connaît pas en lui-même. Où est-ce qu'il s'arrête? Et Allah subhanahu wa ta'ala le met sur un de ses doigts. Le doigt, on sait ce que ça veut dire le doigt. On sait ce que ça veut dire le doigt. Les cieux de la terre, on sait ce que ça veut dire les cieux de la terre. On sait ce que ça veut dire. Est-ce qu'on sait leur grandeur, leur immensité? On peut la réaliser. Mais qu'on a des hadiths qui vont nous dire quelles sont leurs distances. C'est quand même pour nous inconcevable. Car c'est une chose qu'on n'a jamais vue. Une chose qu'on comprend, mais qu'on ne peut concevoir. Qu'on ne peut s'imaginer. Et tout cela sur le doigt d'Allah subhanahu wa ta'ala, un doigt. Et là, dans ce hadith d'Ibn Omar, que Allah subhanahu wa ta'ala va plier les cieux et la terre, yom el qiyama. Et plier, on sait le mana de plier, yatoui. Et plier, c'est une chose qui se fait forcément avec la main, de façon, yani, comme dans le hadith c'est venu, avec facilité, avec aisance. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, justement, vient pour rappeler aux créatures sur terre, ceux qui sont orgueilleux et qui tyrannisent les gens par leur pouvoir, pour leur faire comprendre ce que lui est capable de faire. Vous êtes où vous par rapport à ça? Tellement loin. Donc cela t'amène à quoi? Normalement, à te rabaisser. À savoir que tu sois un roi, que tu sois un gouverneur, que tu sois, tu n'es qu'une vile créature qui n'est rien comparé à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es inexistant par rapport à ça. Et que toi, tout comme les gens qui sont sous ton pouvoir, yom el qiyama, vous serez devant le Jabbar, celui qui plie les cieux et la terre avec sa main, qui met toute sa création sur ses doigts. Vous serez devant lui, il vous jugera. Ce qui t'amène normalement à le craindre et à faire preuve d'humilité le plus possible. Et qu'au contraire, ce pouvoir qu'Allah t'a donné, au lieu de t'en servir pour ta notoriété, mets-le au service de la religion et toi, fais-toi humble et sois au service du peuple. Quand on dit au service, c'est pas tu leur obéis, mais tu fais les choses pour que le peuple soit bien et qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. C'est ça le but du gouverneur à la base, qu'il instaure la réforme sur terre selon les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour mettre l'islam, que l'islam soit la seule religion qui soit appliquée sur terre. Ça c'est l'irada shar'iyya. C'est une chose que Allah a voulu qu'il aime. Mais est-ce qu'elle a lieu? Elle n'a pas lieu. C'est une chose que Allah veut, qu'il attend de nous. Mais est-ce qu'on le fait? À la wajil umum, on ne le fait pas. Il aime Allah. La tanbih dans ce hadith, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre les cieux de sa main droite et les terres de sa main gauche. D'accord? Et dans ce hadith, fi kalam, c'est parmi les hadiths côté muntaqada à l'imam Muslim. Car dans d'autres hadiths, par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kilta yaday yamin, ses deux mains sont des mains droites. Et là, ce love, le shimel, il est chaz. C'est-à-dire que le rapporteur a été le seul à rapporter cet ajout, et d'autres rapporteurs aussi, c'est quoi que lui, ou peut-être plus que lui, ne l'ont pas rapporté. Et en même temps, cette partie du hadith, en apparence, s'oppose à d'autres hadiths qui disent Kilta yade yamin, ses deux mains sont yamin. Et de plus, chez la créature, la shimel est employée pour les choses qui sont un peu plus moins honorantes que la main droite. La main droite, on fait tout ce qui est honorant, ou les choses comme se nourrir, comme donner, comme prendre, le stirbeb de faire les afkar avec la main droite, les alika, et tout ce qui est mesalène, tahara, comme se nettoyer des impuretés, toucher les impuretés, c'est avec la main gauche. Bishimel. Donc là, cette partie du hadith, elle est muntakada. As-sahih, anou la yathbat lillahi ta'ala, as-shimel. Allah, on ne peut lui affirmer de shimel. Il n'y a pas de dalil salih qui le dise. Bien que certains ulama, eux, prennent le hadith, tamam, ils l'ont pris quand même. Le sahih, c'est que le hadith, il est chaz. Cette partie-là du hadith, elle est chaz. D'autres rapporteurs ont rapporté le même hadith sans dire bishimali. Sans dire bishimali. Thumma qal. Warouya an ibn Abbas. Quand on dit rouya an ibn Abbas, tu sais comment ça s'appelle cette façon de faire? Cette façon de rapporter? Ça s'appelle tamrid. Tamrid, c'est-à-dire c'est une chose qui est rapportée et qui n'est pas affirmée. Quand on dit rouya an, par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand un hadith qui est da'if, ou qui a un sens correct, mais tu sais qu'il est da'if, ou tu as choukfi, tu dis وَرُوِيَ عَنَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ سَلَمْ. En fait, tu n'affirmes pas que c'est authentique, mais tu dis que c'était rapporté de lui qu'il a dit telle chose. Et cette façon de faire, c'est usloub يُسَمَّا bi تَمْرِيد. C'est-à-dire que ce n'est pas affirmé que le hadith est authentique. Donc là, il dit رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالْ مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَاضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِ الرَّحْمَنِ إِلَيْكَ خَرْدَلَتِي فِي يَدْ أَحَدِكُمْ. Qu'il ait dit, Ibn Abbas, que les cieux, les sept cieux, les sept terres dans la main d'Allah sont comme un grain de moutarde dans la main de l'un d'entre vous. Que le samawat et sabr, les sept cieux, les sept terres sont dans la main du Rahman comme un grain de moutarde dans la main de l'un d'entre vous. Ce qui confirme les hadiths précédents. Pour essayer ou te faire comprendre plutôt, pas de concevoir, de comprendre la grandeur de ton Seigneur. Thumma qala ibn Jarir haddathani Yunus anba'ana ibn Wahb qala ibn Zayd haddathani Abi qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mas samawatu sab' fil kursi illa ka darahim sab'a urqiyat fit taras. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam que les sept cieux par rapport au coursi ne sont que comme sept dirhams qui ont été jetés dans un bouclier. Un bouclier. Taras, c'est un bouclier qui peut être en bois ou autre. Là, ce hadith, هذا ما يثبت ومرسل. C'est quoi le mursal? C'est quoi le mursal? Est-ce que le tabi'i apporte du Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Donc là, ce hadith-là, le mursal. Le mursal, min qism al-dha'if. Wa qala Abu Dhar, radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, mar kursi fil arshi illa kal halqati min hadid ulqiyat bayna dhahri falah min al-ard. Selon Abu Dhar, qu'il a dit, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que le kursi par rapport au arche, au trône, n'est que comme un anneau de fer, et tel un anneau de fer qui était jeté sur une terre déserte. Pour te faire comparer la différence qu'il y a entre le coursi et le arche. Tambi, le coursi et le arche, deux choses différentes. Comme cela est venu de Ibn Abbas, le coursi c'est quoi? Non, le coursi. C'est pour les pieds. Vous voyez, Bois Maudou, c'est là où Allah, ce pantalon-là, c'est le marche-pied. Son repose-pied plutôt. Là où il pose ses pieds. Et Allah, ce pantalon-là, il a des pieds. Comme des hadiths est venu, qui mettra son pied dans l'enfer, elle dira, cote, cote, ça suffit. Elle dira, je veux encore, je veux encore. Il mettra son pied et un dirail, pas de cote, c'est-à-dire il n'y a que fi. Quand des gens, coursier à la base, c'est un coursier, c'est un siège, c'est une chaise. Et des gens traduisent ayat al-kursi par le verset du trône. Et c'est une erreur. Le trône, c'est le arche. Et le kursi, huwa mawdu' tayyib qadami ar-rahman. C'est le repose-pied. Deux choses différentes. Et regardez bien la différence qu'il y a entre le repose-pied et le arche. Le arche, c'est la plus grande des créatures. Le arche, la plus immense des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في حديث الضعيف لأبو ذر عن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل السماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر ابن عبد الله رواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ولو طرق سر ابن مسعود qui l'a dit qui est entre les cieux de la dunya et les cieux d'après 500 ans entre chaque ciel il y a 500 ans entre le septième ciel et le kursi il y a 500 ans. Entre le coursi et l'eau, il y a 500 ans. Et le arche est au-dessus de l'eau. Et Allah est au-dessus du arche. Et que malgré cela, il n'y a rien que le chef de vos œuvres. Et ce hadith-là, كذلك ضعيف. ومع هذا جميع ما ذكر في هذه الأحاديث من الصفات ثابتة لله عز وجل. Toutes ces sifats citées dans ces hadiths sont affirmées par d'autres adillah. D'autres adillah viennent pour les confirmer. وقال عن ابن عباس عن العباس ابن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله رسوله أعلم قال بينهن مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى السماء مسيرة 500 وكث كل سماء 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم أخرجه أبو داود وغيره وهذا الحديث ضعف الألباني هذا اللفظ ضعف على الألباني هذا اللفظ كي لدي selon العباس ابن عبد المطلب que le message de Allah صلى الله عليه وسلم il a dit Est-ce que vous savez combien y a-t-il entre les cieux et la terre, ou plutôt entre le ciel et la terre? Ils ont dit Allah et son messager plus savant. Il a dit il y a entre eux les deux une distance de 500 ans. Et entre chaque cieux, il y a une distance de 500 ans. Et l'épaisseur de chaque ciel est de 500 ans. Et entre le septième ciel et le arche, il y a une mer, c'est-à-dire une grande étendue d'eau. Qui, de son plus bas à son plus haut, du plus bas de cette eau au plus haut de cette eau, de son fond à sa surface, il y a comme entre le ciel et la terre. Et Allah est au-dessus de tout cela. Il n'y a rien qui échappe des œuvres des fils de Adam, alayhi salam. Donc là, dans ces hadiths, on en tire comme sifat les doigts, on en tire les mains, ces deux mains sont droites. On en tire également la vue, que Allah voit nos œuvres. On en tire le kalem, quand Allah an al-malik, Allah y parle. On en tire al-mulk. On en tire que Allah y plie, quand même qu'il a des pieds par rapport au kursi. On en tire une sifat al-ulu, qu'Allah il est élevé, en haut. Et également la création. Car c'est lui qui a créé tout cela, subhanahu wa ta'ala. Cela te fait imaginer, ou plutôt, tu te dis, comme tu es petit. Comme nous sommes petits, malgré cela, Allah nous a honorés. il a tout mis sur nous pour terre, le Jannah, Ghayr Zalika. Donc cela te demande quoi également comme sifat? Ar-Rahma. Et pour gérer tout ça, il faut de la hikmah, la sagesse, et il faut de la kouwa, il faut de la force, et il faut de la izza, il faut de la puissance, il faut du adl, il faut de la justice, tout cela. Et toutes ces sifat, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a. Naam. Donc là, c'est le dernier bab qu'on a pris dans ce livre, pour que le, en guise de rappel pour le abd, qu'il essaye de comprendre, on va dire, sa faiblesse par rapport à son Seigneur, qui n'est rien du tout dans ce monde, qui n'est rien du tout. Wallahu musta'an. Donc là, on prend des masa'il. قال الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. Que la terre entière l'a saisi le jour du jugement. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يمتروها ولم يتأولوها. Que toutes ces choses, ces sciences, ces connaissances étaient connues, étaient restées présentes chez les Yahoud à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne l'ont pas rejeté, ils ne l'ont pas interprété, contrairement aux Mu'attila de notre époque qui s'apparente à l'islam. Les Yahoud étaient plus savants que les Arbèches d'aujourd'hui. Thaniya wa thalitha an al-habr ou al-hibr lamma zakara dhalika lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam saddaqahu wa nazzala al-Qur'an bi takrir dhalika. Lorsque ce rabbin a cité cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confirmé. Et que le Coran est venu pour également affirmer la chose. Arabiha, wukur al-duhak min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inda zikr al-habr, hadha al-ilm al-azim. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rigolé lorsqu'il a entendu ce rabbin citer cela. Al-khamisa al-tasrih bi zikr al-yadayn, wa nas-samawati fi al-yad al-yumna, wa al-aradin fi al-yad al-ukhra. Qu'il est clairement cité que Allah il a deux mains, que les cieux dans la main droite et que les terres sont dans l'autre main. Sadisa tasrih bi tasmiyatiha shimal, qu'il était clairement dit qu'elle s'appelle gauche, car l'auteur voit lui zahir min al-hadith, d'accord, mais sahih c'est que le hadith a dit lafza ma tathbut hiya shadha. As-sabi'a dhikr al-jabbarin wa mutakabbirin 'inda dhalika, il était cité justement les tyrans, les oppresseurs, les orgueilleux à ce moment-là. As-thamina qawluhu comme un grain de moutarde dans la main de l'un d'entre vous. Tu vois, c'est comme un grain de moutarde. La taille, tu vois ta main. Voilà. Essaie de réaliser. Al-tasi'a, idham al-kursi binisbat il-samawat. L'immensité du kursi par rapport aux cieux. Al-ashira, idham al-arsh binisbat il-kursi. L'immensité du trône, du arsh par rapport au kursi. Al-hadi ashar. أن العرش غير الكرسي والماء. Que l'arche, ce n'est pas le kursi, ni l'eau. الثانية عشر كم بين كل السماء إلى السماء. Combien y a-t-il de distance entre chaque cieux? الثالثة عشر كم بين السماء السابعة والكرسي. Combien y a-t-il entre le septième ciel et le kursi? الرابعة عشر كم بين الكرسي والماء. Combien y a-t-il entre le kursi et l'eau? الخمسة عشر أن العرش فوق الماء. Que l'arche est au-dessus de l'eau. السادسة عشر Al-Sadisata'ashar, anna Allah fouk al-Arsh. Que Allah est au-dessus du Arsh. Il est au-dessus du Arsh. Al-Sabi'ata'ashar, kem bina al-Samai wal-Ard. Combien y a-t-il entre eux, les cieux et la terre? Al-Sabi'ata'ashar, kithafum. Tout à l'heure, j'ai dit kithaf, c'est kithaf. Non. Kithaf kulissama, khamsumiyat sana. Que l'épaisseur de chaque ciel est de 500 ans. Al-Tasita'ashar, أن البحر الذي فوق السماوات من أسفله وأعليه مسيرة 500 سنة. Que l'eau, la grande étendue d'eau qui est au-dessus des cieux, que de son fond jusqu'à sa surface, au plus haut, il y a une distance de 500 ans. Aujourd'hui, on parle dans cette dunya des abysses sur terre. Qu'est-ce que les abysses sur terre par rapport à cette étendue d'eau? C'est rien du tout. Wallahu ta'ala a'lam. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فبهذا on a fini بفضل الله تعالى notre ders de ce kitab de façon simplifiée et résumée, tamam, pris partiellement du charh de Cheikh Ibn Baz, mais pas complètement. Wa kadha. نسأل الله أن ينفع بما سمعنا وما قلنا فإذا أصبت فمن الله وفي أخطأت وفي إذا أخطأت فمن من الشيطان. فدمان prendra مراجعة الدنيا أبواب et après cela si Allah nous facilite on commencera à تدمورية تقريب تدمورية الشيخ الإسلام ce تقريب qui était fait par Cheikh Uthaymeen رحمه الله تعالى فالحمد لله رب العالمين.